Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous, on est toujours dans la thématique du pop-rock dans le blues et avec cette semaine un volet qui va se continuer pendant 2-3 semaines, un volet sur les adaptations ou les reprises en français. Cette fois-ci, mesdames, messieurs, on commence en 1978. Michel Squire qui adapte une chanson des Kings, « Where have all the good times gone ?» Où est donc le bon vieux temps? Eh oui, je vous le demande, ma brave dame. Michel Squire, 1978. Sur son deuxième album intitulé « Original » en 1980, Benoît Blueboy reprend « Tu parles trop ». Ouais, un titre, une adaptation d'un titre américain par Les Chaussettes Noires et Johnny Hallyday, entre autres, au début des années 60. Et là, c'est Benoît Blueboy en 1980, c'est assez surprenant. « Tu parles trop ». Tu parles à tort des gens que tu ne connais pas.

Steve Verbeck publie en 2002 le CD Montreuil Boogaloo. Et dessus, il y a une version du Poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg, bien sûr. Steve Verbeck, le Poinçonneur des Lilas. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit des gastra culdus à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, oh, des petits trous, des petits trous. Toujours des petits trous, des trous seconde classe, des trous première classe. J'fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, et toujours des petits trous. J'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondants. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, et toujours des petits trous. Y'a de quoi En 2003, Little Big Band gagne le tremplin blues sur scène et puis publie aussi un très bon disque, You Shouldn't Have Killed My Chicken. Et dessus, entre quelques classiques de jazz, swing, comme Ain't Nobody Here But Us Chickens ou Mellow Saxophone, il y a deux titres en français, du jazz dans le ravin, de Gainsbourg et Le cinématographe de Boris Vian. J'ai choisi Du jazz dans le ravin de Serge Gainsbourg, Little Big Band en 2003. Écoute. robe, je vais pas aller dans les décors. Rescapé d'un projet hommage à Monsieur Eddie Mitchell, voici un duo inhabituel, Paul Persson et Stéphane Escher, en 2003, qui reprennent « Chaque matin, il se lève » d'Eddie Mitchell, bien sûr. Stéphane Escher et Paul Persson. Donne froid dans le dos, l'alcool qui est dans mon verre réchauffe un peu la peau. Et là j'attends le soleil, je m'installe pour son show. Ça y est, le soleil se lève, pour moi il se fait. Chaque matin, il se lève. Il est le roi de la fête. Il me donne mal à la tête. À le voir toujours si haut. S'il voulait boire avec moi, nous deux, nous serions trois. La nuit, le soleil et moi. Jamais il ne le voudra. Chaque matin il se lève, parfois il en fait de trop. Ses rayons se font cruels, il vient me brûler la peau. C'est la star la plus céleste. C'est le plus grand des grands shows. Ça y est, le soleil se lève. Le grand spectacle est là-haut. Mmh. il éclaire les autos. S'il savait combien j'ai du mal de le voir toujours si haut, il viendrait boire avec moi, avec moi, encore quelques verres de trop. Chaque matin il se lève, chaque matin, pour moi il se fait beau. Il est encore revenu, j'ai perdu une fois de plus, mais je ne parierai plus contre lui. Chaque matin il se lève, parfois il en fait trop, beaucoup trop. Ses rayons se font cruels, si cruels, il vient me brûler la peau. Chaque matin, chaque matin, chaque matin. Sur son album « Tout mon possible » paru en 2010, Miguel M propose en bonus caché une version assez réussie de « Toute la musique que j'aime » de notre Jojo National. Et c'est bizarre de le mettre en bonus caché parce qu'elle est quand même assez réussie et une bonne version rhythm and blues. Miguel M, « Toute la musique que j'aime ». Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, chanterai toujours. La musique vivra, tant que vivra le blues. La musique vivra, tant que vivra. La musique vivra, tant que vivra le blues. Sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal en crevé. Je pleure mais je chante quand même, c'est ma prière pour te garder. La musique vivra, la musique que j'aime, elle vient de là. Toute la musique que j'aime, elle vient du blues. Toute la musique que j'aime, elle vient de là. Toute la musique que j'aime, elle vient du blues. La musique vivra tant que vivra. La musique vivra tant que vivra le blues. Yeah, yeah. Et pour conclure ce volet blues covers consacré au pop rock dans le blues en français, voici Caddy Joe, un album assez récent puisqu'il est paru début 2019. Album qui s'appelle Les chansons de Pierrot et c'est un hommage à la chanson française puisque Caddy Joe y reprend Aznavour, Trenet, Gainsbourg, Brassens, Nougaro, Dutronc, Perret et Salvador. J'espère que je n'en ai pas oublié. Alors, au fil des prochains blues covers, je vous proposerai d'autres titres de cet album. Aujourd'hui, pour conclure, ce sera « Ébahir et dormir » de Charles Aznavour. Bye bye et à la prochaine. Ces folies de m'avoir fait, je ne me fais pas de bile et n'occupe aucun emploi, menant une vie facile. Je ne fais rien de mes dix doigts. Je vais pêcher dans les ruisseaux, chasser dans les roseaux, cueillir les fruits mûrs que m'offre la nature. On ne m'a pas mis sur terre pour me tuer à travailler, mais pour vivre à ma manière et goûter à la liberté et rêver et sourire et bâiller. Je dors à même la terre, c'est plus simple et c'est plus sain. Et si je meurs solitaire, je n'aurai pas à aller loin. Je me lave à l'eau de pluie et me séchant au soleil. Je rêve à ma tendre amie, et y a vraiment rien de pareil. Et quand presque à la nuit tombée, on peut se retrouver. C'est un si grand plaisir qu'on reste sans rien dire. En regardant la nature, on se tient tout près, bien près, l'un de l'autre, et je vous jure que l'on ne pense qu'à s'aimer. J'ai fait mon paradis sur la terre, car la paix règne au fond de mon cœur. Et vraiment, si c'était à refaire, je saurais pour garder mon bonheur et rêver et sourire et bâiller et dormir. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.